Agonie de moine, de poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Agonie de moine. Faites miséricorde au vieux moine qui meurt, et recevez son âme entre vos mains, Seigneur. Quand ces mots lui crieront que sa vie en ce monde a fini de creuser son ornière profonde, quand ses regards vitreux, obscurcis et troublés, enverront leurs adieux vers les cieux étoilés, quand se rencontrera dans les affres des fièvres, une dernière fois, votre nom sur ses lèvres, quand il s'affaissera pâle, brisé d'effort, la chair épouvantée à l'aspect de la mort, quand, l'esprit obscurci du travail des ténèbres, il cherchera la croix avec des mains funèbres, quand on recouvrira de cendres son front ras, et que pour bien mourir on croisera ses bras, quand on lui donnera pour suprême amnistie, pour lampe de voyage et pour soleil l'hostie, quand les cierges veillants pâliront de lueur son visage lavé des dernières sueurs, quand on abaissera sa tombante paupière à toute éternité sur son lobe de pierre, quand raide et séché ses membres verdiront et que les premiers vers en ses flancs germeront, quand on le descendra sitôt la nuit tombée parmi les anciens morts qui dorment sous l'herbée, quand l'oubli prompt sera sur sa fosse agrafé comme un fermoir de fer sur un livre étouffé. Faites miséricorde à son humble mémoire, Seigneur, et que son âme ait place en votre gloire. Fin de Agonie de moine.